La technique est meilleure, le son prend de l'ampleur. La passion sur l'épaule face au ghetto blaster. Du taf à toute heure, du mat c'est 3 heures. Mon crayon perforant, tel un marteau piqueur. L'acuité c'est le bonheur, décalé tu prends peur. Range le papier calme, tu prendras toujours ta claque. Pas de moule, pas de boîte, mon scud rare dans les bacs. Pour se propager, faut qu'on sait puisqu'on se batte. Jamais tourner en rond, comme après un coup de batte. Allons du nouvel air, l'emblème reste le même. Rigi pour Saiken, Lidka pour les thèmes. Avec Malek, Sexian, tu rajoutes la crème. Ambition dans les veines, pas d'erreur dans le système. La scène c'est qu'on l'aime, en trouver c'est le problème. Entre rien lâcher et se pendre, on voit pas le dilemme. Si t'as une critique, assume, ou prends ta golden. Le FBK reprend du service, myspace.com. FBK39, laisse un commentaire, hey. En un éclair, on se ramène frère. Sept, nouvelle ère, toujours chaud, mec, t'as pu l'air asphyxié par les vapeurs de l'atmosphère. J'suis contraint de redoubler d'efforts, t'inquiète, j'me sens fort. Et j'fonce et l'avenir me dira si j'ai tort. Éphémère comme un MC, le succès ne te dira jamais merci. Même si je signe, persiste, résigne-toi, moi j'insiste. Je suis digne, je résiste, car la reconnaissance a la valeur de la métisse. Je fais mal, tel un fils, je surprends comme j'attriste. Même si j'avoue me sentir parfois si proche de l'antéchrist. J'ai un bac production musical, attentat, lyrical, Al-Saiken, plus fort que Ben Laden. Le studio, notre arène, MC, tu te ramènes. Prends un casque, une armure, car mes enceintes t'assènent. Du punch, des basses, estrie dans sa basse. Ça passe ou ça casse, va falloir faire face. Si ça passe, c'est classe, si ça casse, on t'efface. Pétasse, donne-nous le mic, on te fasse l'effet d'une trace.